Gamin, approche-toi s'il te plaît. Arrête de boire sans raison. Je sais, je ne suis pas le mieux placé. Sèche tes yeux, tu vas donc. Moi aussi, j'ai cuvé pour des filles. Connu bien des malheurs sur les mers d'ici à Mani. Mais mes larmes viennent d'ailleurs. De l'or et de la poudre à canon, des capitaines et des mutineries, des matelots sur la planche, les famines et la maladie, certains n'ont pas eu ma chance. Sournois, beaucoup l'ont oublié. Souffle tempête contre le bois, le voyage est terminé. Moi, mon navire, je l'aimais plus que ma propre vie. S'il te plaît.